أما هذه لا لا لا capacity. هذا قول الحسن والزهري كذلك قول أبي حنيفة والأوزاعي وكثير من أهل العلم إذا شوازي سقوا. قال شيخ ابن عثيمين لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر. تقدم on a déjà cité cette مسألة أن elles n'auront pas le jeûne sauf si elles ont une excuse, difficulté ou autre. Donc on comprend bien que c'est pas toute femme enceinte qui peut manger. Là, ça dépend du cas. Comme les malades, c'est pas tout malade qui peut manger. Ça dépend du cas. فَإِذَا أَفْطَرَتَا لِلْعُدْرِ وَجَبَ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ الصَّوْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْمَرِيضِ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen compare la femme enceinte au malade. Et c'est ça, al-Sahih. C'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il démontre que le malade, il rattrape les jours manqués. فَهَكَذَا la femme enceinte. قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِوَاءَ الْقَضَاءِ على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة. Et ça c'est une règle à comprendre. أن الأصل c'est براءة الذمة. Dans cette masala et dans beaucoup d'autres, c'est que tu n'as pas à nourrir de pauvres. C'est ça la base. Celui qui prétend que ce musulman il doit nourrir un pauvre pour chaque jour de Ramadan manqué, il doit citer le délit. Et on n'a pas de délit في هذا. فلهذا الأصل سبراءة الذمة أي سكالبا نغير دبو حتى يقوم الدليل على شغلها أي حتى يقوم الدليل pour montrer أن هذه الذمة أي cette personne elle doit nourrir ce pauvre. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو قوي. نعم c'est مذهب أبي حنيفة et c'est un مذهب قوي أي c'est الراجح. الشيخ ابن باز كذلك رحمة الله عليه il a رجح هذا القول et il a démontré qu'elle était comme le malade. Donc la femme enceinte ou la femme qui allait, si elle ne peut pas jeûner, elle rattrape quand elle pourra.